بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc الحمد لله. On va commencer le cours شرح أصول الإيمان. On est au cours numéro 20 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. Et donc on va profiter jusqu'à صلاة العصر إن شاء الله. Le cheikh, il a un autre chapitre maintenant, on commence. Et ce chapitre, c'est intitulé, en fait, c'est le verset qui est le titre du chapitre. C'est le verset 23 dans Sourate Saba. Et le cheikh, il dit, قال, قول الله تعالى, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. Ce qui signifie, le chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ensuite la frayeur sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire les à propos des anges, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, et c'est lui le sublime, le grand. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce verset-là, قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أي بيان تفسير هذه الآية وما جاء بمعناها من الأحاديث الصحيحة لأن القرآن العظيم يفسر بالقرآن فإذا لم يوجد في القرآن تفسير فإنه يفسر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة. Donc le cheikh il explique que ici le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah il dit et la parole d'Allah jusqu'à ce que on enlève la frayeur de leur cœur ou que la frayeur de leur cœur soit partie. Ils disent, qu'a dit notre Seigneur? Ils disent, il a dit la vérité. Et c'est lui le sublime, le très grand. Donc ça c'est un verset dans le Coran, Sourate Saba, le verset 23. Le cheikh explique que le chapitre consiste donc à expliquer la signification de ce verset-là. Et le cheikh explique que parfois le tafsir d'un verset... Et il est venu dans la sunna. Il est venu dans la sunna authentique et dans les hadiths authentiques. Parce que le Coran, souvent les versets s'expliquent eux-mêmes, c'est-à-dire un verset explique un autre. Mais parfois, s'il n'y a pas dans le Coran l'explication d'un verset, on regarde dans la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset-là en particulier, il y a un tafsir qui a été rapporté à son sujet dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit فَقَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ يعني الملائكة إذا سمعت كلام الرب سبحانه وتعالى فإنه يصيبهم فزع وخوف من الله جل وعلا لأن كلامه عظيم ترعد له السماوات ولو أنزل القرآن على جبل لأصبح خاشعا متصدعا من خشية الله فكلامه سبحانه له هيبة وعظمة وجلال فإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه ردعة شديدة وهي جماد فإذا سمع ذلك الملائكة صعقوا وأصابهم غشي وخروا لله سجدا تعظيما له سبحانه وتعالى وهيبة من كلامه وخوفا من غضبه هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن ولا نحرك معه ساكنا إذا سمعناه أو قرأناه وذلك لقسوة قلوبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فلو كانت القلوب حية لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فالجبل ألين من قلوب بني آدم وهذا من العجائب، لكن ما السبب؟ السبب يعني الذي جعل القلوب هكذا إنها الذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله وأكل الحرام والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح، كل هذه الأمور من شأنها أن تقسي القلب. فإذا سمعت هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن السماوات على عظمها ترعد من كلام الله، والملائكة تصعق وتخر ساجدة لله جل وعلا عند سماع كلامه. ثم إن الملائكة يتساءلون إذ ذهب عنهم الفزع، ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل عليه السلام أمين الوحي، فيقول جبريل قال الحق. فإذا سمعوا ذلك قالوا الحق وهو العلي الكبير، فهذا فيه بيان عظمة كلام الله جل وعلا ووجل الملائكة والسماوات والمخلوقات العلوية منه. Donc ici le Cheikh il explique ici par rapport au verset حتى فزع عن قلوبهم. Et on a dit que c'était dans le verset 23 dans sourate Saba. Donc c'est ça. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur. Donc il parle ici des anges. Lorsqu'ils entendent la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, ils sont frappés d'une frayeur et d'une crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est grande. Et elle foudroie les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait envoyé le Coran sur une montagne, eh bien cette montagne se serait pulvérisée par humilité et par crainte d'Allah. Parce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense et grande. Elle est majestueuse. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa révélation, les cieux sont pris de frayeur et sont foudroyés, alors que ce sont des choses inertes, des choses inertes. Et malgré ça, lorsqu'elles entendent, lorsque les cieux entendent la parole d'Allah, ils sont foudroyés. Et les anges, la même chose. Ils tombent, ils perdent connaissance et ils tombent prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par crainte de sa parole, par crainte de sa colère. Et ça, c'est la parole d'Allah qui est entre nos mains dans le Coran. Et on l'entend et elle ne nous fait pas bouger d'un poil. On l'entend, on la récite et ça ne nous affecte même pas. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont devenus durs. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit, si nos cœurs étaient vraiment vivants, ils auraient été remplis de crainte et de majesté, de majestuosité, de respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne dans le verset 21 dans sourate Al-Hashr, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on l'aurait vu se pulvériser, s'écraser par humilité et par crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une montagne. Et elle est plus affectée par le Coran et par la parole d'Allah que les cœurs des fils d'Adam. Et ça, ça fait partie des choses étonnantes. Et la raison de ça, c'est quoi qui fait que les cœurs deviennent de cette façon? C'est à cause des péchés, à cause de la désobéissance, à cause de l'insouciance vis-à-vis du rappel d'Allah. Et aussi à cause du fait qu'on consomme de ce qui est haram, et à cause du fait qu'on se préoccupe des commérages et des gens qui racontent des choses qui ne font que colporter des fausses informations ou des fausses rumeurs, al-qil wal-qal, ou bien de plaisanter tout le temps, toujours faire des blagues et de rigoler tout le temps. Ça rend le cœur dur. Et donc, si les cœurs entendent la parole d'Allah, à ce moment-là, avec tout ça, ils n'ont aucun effet. Et ça ne les affecte plus. dans leur cœur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors que les cieux, malgré leur grandeur, hein, ils sont frappés par la parole d'Allah d'une crainte. Et les anges sont foudroyés et ils tombent en prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils entendent sa parole. Et donc les anges, quand ils sont foudroyés, ils tombent sans connaissance. Et lorsqu'ils reprennent leur connaissance, lorsqu'ils reviennent à eux-mêmes et que la frayeur s'éloigne de leur cœur, ils disent « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils demandent à Jibril, alayhi salam, hein, celui à qui Allah a confié la révélation, et Jibril leur dit, il a dit la vérité. Et c'est le sublime et le très grand. Al-Ali, le très haut. Wal-Kabir, hein, Al-Ali ou Al-Kabir, le très grand, le très haut et le très grand. Et il y a dans ça la grandeur de la parole d'Allah et le respect et la crainte que les anges, ainsi que les cieux et les créations qui sont au-dessus de nous, hein, la crainte que ces créations-là ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit « وَبَيَانُ افْتِرَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَذِبِهِمْ وَبَيَانُ افْتِرَاءِ الْكَهَنَةِ وَكَذِبِهِمْ » Yani, l'explication des mensonges que les médiums ou les voyants, ceux qui prétendent connaître le raïb, les choses qu'ils inventent et les mensonges qu'ils font. C'est rapporté dans un hadith, il dit « وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدثني قال حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم يخبرونهم بماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يفرقون ويزيدون رواه مسلم والنسائي. Donc ici le cheikh explique que il est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que il a dit qu'un homme parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'un parmi les ansar était assis avec le messager d'Allah, un groupe d'entre eux était assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit et ils ont vu une étoile filante passer. Alors, cette étoile a éclairé le ciel et ils ont dit, que disiez-vous dans le passé, dans la Jahiliya, lorsqu'on voyait ce genre de projectile dans le ciel Ils ont dit, nous disions, un grand homme est né cette nuit ou un grand homme est mort cette nuit. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, cela n'a pas été lancé, ce projectile n'a pas été lancé ni pour la mort de quelqu'un, ni pour la vie de quelqu'un. Mais votre Seigneur a donné un décret et a ordonné quelque chose. Et les porteurs du trône ont glorifié Allah jusqu'à ce que les habitants des cieux qui sont en dessous glorifie Allah eux aussi jusqu'à ce que cette glorification atteigne les habitants des cieux de la dunya. Et ils se posent les uns aux autres la question, ceux qui portent le trône disent, qu'a dit votre Seigneur? Alors ils l'informent. On les informe de qu'est-ce qu'il a dit. Alors les habitants des cieux en dessous demandent à ceux qui sont au-dessus, qu'a dit votre Seigneur? Et ils répondent les uns aux autres, hein, jusqu'au dernier des cieux, les anges de ce bas monde, des cieux de ce bas monde. Et à ce moment-là, les djinns essaient de capter l'information et de la voler. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec cette information qu'ils ont entendue? Ils vont la porter à leurs alliés parmi les êtres humains, parmi les sorciers et les médiums et les voyants. Et ils leur ramènent donc cette vérité, sauf qu'ils en rajoutent, ils rajoutent avec plein de mensonges et plein d'autres choses. Et ça, c'est rapporté par Muslim, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Et le cheikh, il explique par rapport à ce hadith-là, il dit, قَوْلُهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ كَوْنُهُ قَالَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ لأن الصحابة كلهم عدول فالجهالة في اسم الراوي لا تضر وإنما المجهول إذا كان من غير الصحابة فإنه يبحث عنه أما المجهول من الصحابة فلا حاجة للبحث عنه لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم. Donc il dit le cheikh ici premièrement le Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est même le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est turjuman al-Qur'an, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui. Il a dit Allahumma faqqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il a dit oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation. Alors Abdullah ibn Abbas, il dit, un homme parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a informé. Et le cheikh, il dit ici, le fait que Abdullah ibn Abbas dit un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a même pas besoin de chercher à savoir c'était qui. Parce qu'on sait que du moment que c'est un sahabi, qu'il fait partie des sahaba, donc il est udul. Il est adl. Pourquoi? Parce que tous les sahaba sont udul. Udul, ça veut dire qu'ils sont honnêtes et fiables. Donc, on n'a même pas besoin de savoir c'est qui en particulier, du moins qu'on sait qu'il fait partie des Sahaba. Et on dit, al-jahala, lorsque un rapporteur est ignoré, on ne sait pas qui il est, hein, ça ne fait pas de tort si c'est un Sahabi. Mais si c'est quelqu'un d'autre qu'un Sahabi, par rapport à la chaîne de transmission, si l'ignorance du narrateur, elle est dans quelqu'un d'autre qu'un Sahabi, alors à ce moment-là, ça peut faire un tort à la chaîne de transmission parce que on ignore qui est ce narrateur-là, et peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas adl, qui n'est pas fiable, honnête. Mais si celui dont on ignore le nom ou l'identité est un sahabi, on sait qu'il est adl, puisqu'il est un sahabi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des sahaba de façon générale. Et il a mentionné qu'ils sont, hein, fiables et honnêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Donc, si on ignore qui est l'identité de ce sahabi en particulier, cela n'est pas grave, puisqu'ils sont udul. Et donc, on peut faire confiance que ce qu'il dit du messager d'Allah, c'est la vérité. Ensuite, il dit, وَقَوْلُهُ رُمِيَ بِنَجْمٍ أي بِشِهَاب وَالْمُرَادْ رَجْمْ الشُّهُبْ يعني التي ترمى بها الشياطين التي تحاول استرق استراق السمع كما قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَطْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَرُومِيَ الشُّهُبُ مِنَ السَّمَاءِ يعني سببه يعني أنه رجوم للشياطين. Donc le cheikh explique que les étoiles filantes qui sont lancées c'est en réalité lancé sur des shayatines, des diables, qui essaient de voler des informations dans les cieux. Et donc, ils se passent les informations entre eux pour transmettre à leurs alliés parmi les sorciers, les médiums et les voyants, pour tromper les hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette réalité dans plusieurs versets dans le Coran. Hein? Et donc, si vous entendez, si vous dites ça à des koufars, ils vont dire, comment ça? Hein? Ça, les étoiles filantes, c'est pour chasser des shayatines? Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas les shayatines. Hein? Et ils ne voient pas les anges. Donc, ils disent, ah, ça, c'est pas scientifique. Mais si ça vient d'Allah, et si ça vient du messager d'Allah, alors ça veut dire que c'est scientifique. Hein? C'est pas prouvable avec des instruments, c'est pas prouvable avec des télescopes, c'est pas prouvable avec des sondes interspatiales ou je sais pas quoi, interstellaires ou peu importe, ou avec des micro-ondes ou bien avec d'autres appareils qui peuvent inspecter le ciel, mais c'est prouvable parce que c'est écrit dans le Coran. Et c'est prouvable parce que c'est mentionné dans le hadith sahih. قال الله قال رسول الله فهو الحق وإن كذبه من كذبه. Peu importe qui le dénie ou qui le renie. Et dans le verset 5 dans sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: nous avons certes enjolivé les cieux, le ciel de ce bas monde, avec des masabih, hein, avec des lanternes, c'est-à-dire les étoiles. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. On en a fait des objets pour lapider les diables, les étoiles filantes. رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Et il cite ensuite les versets dans Sourate As-Saffat, également dans à ce sujet. Donc je vais vous lire, c'est les versets de 6 à 10. Rujum al-shayatin, ça veut dire quand les shayatins qui viennent pour essayer de voler les informations dans les cieux, quand les anges s'échangent les informations de qu'est-ce qui est dit dans le ciel, eh bien, les étoiles sont lancées sur eux, les étoiles filantes sont lancées sur eux pour les tuer. Yani, c'est de tout qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne l'information ou qu'est-ce qu'il dit dans les cieux et sur la terre, parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il fait quelque chose, hein? Il élève quelqu'un, il rabaisse quelqu'un. Et donc il donne ses ordres à ses anges et il donne ses commandements à ses anges. Et les diables, les shayatins, ils essaient d'entendre qu'est-ce qui s'échange comme information dans le ciel au sujet de ces différentes choses. Et donc ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué à ce sujet. Et dans les versets 6 à 10, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate As-Saffat, ce qui signifie: nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, al-kawakib. Et quand tu regardes le ciel, n'importe quelle personne, même les koufars, quand ils regardent le ciel, ils sont tous d'accord pour dire que c'est beau. Il n'y a personne qui regarde le ciel qui dit « ça c'est laid ». Hein? Il n'y a personne qui regarde le ciel, que ce soit le jour ou la nuit, et qui va dire « ça c'est pas beau ». Hein? Tout le monde est ébloui de voir le ciel, de voir sa grandeur, de voir sa beauté. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait voulu, il aurait pu le créer laid. Il aurait pu le faire d'une façon épeurante, effrayante. Mais il l'a fait d'une manière qui est beau. Quand tu le regardes, tu trouves que c'est beau. Tu es émerveillé par ça. Et il l'a embelli par des étoiles. Qu'est-ce que les koufars, on voit dans toutes les galaxies, les étoiles, comme on dit, la voie lactée. Hein? Ça, c'est la création d'Allah. Et ça, c'est seulement Sama ad-Dunya. C'est juste le ciel de ce bas monde. Au-dessus de ce ciel-là, il y a d'autres cieux encore, sept cieux. Donc imaginez, si ça c'est la grandeur de ce bas monde et du ciel de ce bas monde, imaginez les autres. Hein? Donc ça veut dire que c'est immense. Et il a dit, وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا. Il a embelli le ciel de ce bas monde. Donc les autres cieux, est-ce qu'ils sont embellis avec des des étoiles aussi? Allahu a'lam. C'est seulement Allah qui sait. Mais on sait que celui-là, il est embelli avec des étoiles. Et il dit, ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes. C'est-à-dire, il dit, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Les étoiles sont là pour protéger le ciel contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, c'est-à-dire les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés. Et ils auront un châtiment perpétuel, sauf celui qui saisit au vol quelques informations. Il est alors pourchassé par un météore transperçant. OK? Donc, c'est ça l'explication par rapport à ces étoiles filantes qui sont lancées sur les shayatines dans les cieux. La raison de ça, c'est pour lapider les diables. Il dit, « Wa qawluhu, faqala sallallahu alayhi wa sallam, ma kuntum taquluna, idha rumiya bimithli hadha, يعني في الجاهلية لأن رمي الشهب متكرر وهو في الجاهلية أكثر فكانوا في الجاهلية يعتقدون اعتقادا سيئا فيقولون إنه إذا رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم أو سيولد عظيم وهذا ظنهم وتخرصهم كما كانوا يعتقدون ذلك إذا ما كسفت الشمس أو خسف القمر فبين صلى الله عليه وسلم كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح وأن هذه الشهب ليست لولادة أحد أو لموت أحد وإنما هو لأمر عظيم من أعظم من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته وهذا وفي هذا تصحيح منه صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم وفيه تعليم الجهال ولا سيما في المناسبات الشبيهة بهذه. Donc ici le cheikh explique que le prophète صلى الله عليه وسلم a voulu leur demander la question dans le but de comprendre leur situation. Il dit, qu'est-ce que vous disiez lorsque des choses comme ça étaient lancées auparavant, c'est-à-dire avant l'islam, dans la période pré-islamique, dans l'ignorance, lorsque vous voyez des étoiles filantes comme ça dans le ciel. Parce que c'est des choses qui se reproduisent souvent. Et dans la jahiliya, il y en avait encore plus. Alors, dans la jahiliya, ils avaient une mauvaise croyance à ce sujet-là. Ils disaient que quand il y avait une étoile filante, ça veut dire que quelqu'un important est né, ou quelqu'un d'important est mort. Aujourd'hui, comme dans cette société, les gens, ils ont la croyance, ils disent, par exemple, si tu vois une étoile filante, fais un vœu. Ça, c'est ce que j'ai entendu depuis que j'étais tout petit dans ce pays. Qu'est-ce que les gens racontent. Si tu vois une étoile filante, fais un vœu. Comme si ton vœu va s'exaucer, va se réaliser. À la kulli hal, le cheikh, il dit ça, c'était leur pensée, et ça fait partie de leur... Il y a une supposition et des choses qu'ils imaginent et leur croyance aussi à propos des quand il y a des éclipses, que ce soit des éclipses lunaires ou des éclipses solaires, certaines personnes avaient des croyances par rapport à ça parmi les mouchriquines. Certains, même ils faisaient, par exemple, ils disaient, ah, ça c'est parce qu'il y a quelqu'un d'important qui est né ou quelqu'un d'important qui est mort. Certains même faisaient des sacrifices humains. On a entendu parler de certains peuples qui avaient certaines croyances par rapport à ces événements-là. Ils disaient comme si nos dieux sont fâchés, le soleil il se cache, donc il faut faire un sacrifice de quelqu'un. Alors ils sacrifiaient quelqu'un, ils le tuaient pour le soleil ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est des exemples de shirk et de kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démenti ces croyances-là et il leur a fait comprendre que le soleil et la lune et les étoiles, ils n'avaient pas rapport avec la naissance des gens ou la mort des gens. Et que c'est en réalité pour quelque chose de beaucoup plus important que ça. Et il a expliqué que, par exemple, lorsque son fils le fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, alayhi salam, était mort. Il y a eu une éclipse, justement, ce jour-là. Et certains ont dit, « Oh, messager d'Allah, regarde, même la lune elle est, ou le soleil, il est triste de la mort de ton fils. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Non, ça, c'est des signes d'Allah. Ça n'a rien à voir avec la mort de quelqu'un ou la naissance de quelqu'un. » Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il corrigeait toujours la aqidah des sahaba. Et il leur faisait cette éducation pour leur clarifier la aqidah du tawhid et leur faire comprendre la réalité des choses. Et pour enlever d'eux cette mauvaise croyance qu'ils avaient. Et ça, c'est important. Cet exemple que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait avec ses sahaba, c'est quelque chose que nous, on doit faire également avec nos enfants, avec nos proches, de leur poser les questions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à telle chose? Tu vois que, par exemple, ils ont certaines bid'a ou certaines fausses compréhensions ou des superstitions par rapport à telle ou telle chose. Tu leur poses la question pour voir où est-ce qu'ils sont par rapport à ça. Comment ils ont compris ces questions-là? Et s'il y a des erreurs dans leur façon de comprendre, et là, tu en profites justement pour leur expliquer la réalité dans ces choses-là et leur corriger leurs croyances par rapport à ces choses-là pour qu'ils aient justement une bonne aqida. Hein? Et c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit ça, c'était pour corriger leurs croyances et pour enseigner à ceux d'entre eux qui ignoraient la réalité, en particulier dans ce genre d'occasion, dans ce genre de circonstances. Il ne faut pas laisser passer ces occasions-là sans en profiter. Si tu vois que quelque chose comme ça qui se produit, profite-en pour enseigner, pour éduquer tes enfants, éduquer les gens. Tu passes devant une église, tu vois une croix, ou tu vois des gens en train de faire du shirk. Tu dis à tes enfants, regardez ça, c'est du shirk. Regardez qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Ils adorent des croix, ils adorent des images. Ça, c'est pas correct. C'est seulement Allah qu'il faut adorer. Hein? Et donc, tu profites, quand tu leur montres ça, tes enfants, ils vont prendre de ça des leçons de la croyance, des exemples pratiques, des exemples concrets. Et ça, ça va les aider dans leur vie. Ça va les aider dans leurs convictions et dans leurs croyances, parce qu'ils voient que la croyance, elle est reliée à qu'est-ce qui est concret, à qu'est-ce qui est réel. Et ils voient des exemples vivants de choses qui contredisent la vérité. Donc, ils vont garder de ça des leçons beaucoup plus, beaucoup plus fortes dans leur cœur que si tu leur lis le livre seulement. Hein? Parce que là, tu leur montres des choses dans le concret, dans la réalité. Tu rentres dans un magasin, tu vois des idoles, des mouchriquines, ils mettent des statues, ils mettent de la nourriture devant. Tu montres à tes enfants, tu dis, regarde, tu vois les mouchriquines, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de la nourriture à une statue. Qu'est-ce que la statue va faire avec ça? Est-ce qu'elle va le manger? Hein? Quand tu leur montres ça à tes enfants, après ils vont comprendre le tawhid. Hein? Une fois, j'étais dans un magasin, j'étais assis, on attendait, il y avait des enfants, des hindous qui étaient là. Hein? Et je commence à leur poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez, hein, des statues? Qu'est-ce que vous pensez de ces choses-là? Est-ce que vous croyez en ça? Et les enfants, ils ont une fitra. Même s'ils sont dans des familles hindous, ou dans des familles bouddhistes, ou dans des familles n'importe quoi, chrétiennes ou autres, ils ont une fitra. Allah les a créés sur cette fitra. Ils savent que ces statues, ces idoles, c'est pas Allah. Et que c'est pas elles qui ont créé les cieux et la terre. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. Mais parce qu'ils se laissent, hein, entrer dans leur culture. Et à l'époque actuelle, les gens, ils vivent dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Avec les idées de laïcité et puis de respect, soi-disant, des autres. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Hein? Et quand tu regardes l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, quand il a vu les idoles de son peuple, il n'a pas dit, il faut respecter les croyances des autres. Je veux respecter ces idoles, je ne vais pas les critiquer, je ne vais pas dire à mon peuple, oh, votre croyance, elle n'est pas correcte. Hein? Non, il a débattu avec eux, il leur a expliqué, vos idoles sont fausses. Il les a cassées même. Si c'était aujourd'hui, ils ont dit, non, ça c'est contraire à la... Hein, au respect du dialogue interreligieux. Hein? Il faut respecter toutes les croyances, toutes les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ça que Ibrahim a.s. a enseigné? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, suivez la religion d'Abraham. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Est-ce que le prophète Mohammed s.a.w., quand il est venu voir Quraysh, il a dit, Moi, je respecte vos croyances. Je respecte vos statues. Je respecte vos idoles. Et vous avez le droit d'adorer Allat, Wal-Uzza, Wamanat et Hubal. Je les respecte et je respecte toutes vos croyances religieuses. Et vous avez tous le droit d'adorer Allat, Wal-Uzza, Wamanat et les autres idoles que vous avez adorées en dehors d'Allah. Non. Il leur a dit, « Qulu la ilaha illallah tuflihu. » Dites « La ilaha illallah, vous allez avoir le succès. » Et il n'y a pas d'autre succès que ça. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est encore plus important de revoir le tawhid et de comprendre le tawhid et d'enseigner le tawhid autour de nous, plus que dans le passé, parce que les gens, à notre époque, ils sont pris dans l'ignorance et dans l'hypocrisie et dans le mensonge des idéologies des koufars actuellement, que ce soit les laïcs ou les démocrates ou les autres croyances modernes, qui ont pour but de faire en sorte que les gens acceptent tout ce qui est faux au nom de la laïcité ou au nom de l'interreligieux et d'autres mensonges de ce genre. Donc c'est important de comprendre et d'expliquer. C'est comme par exemple si tu critiques la croyance des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu ou fils de Dieu ou la Trinité, les chrétiens te disent « Ah, mais ce n'est pas ta religion, de quoi tu te mêles ? Pourquoi tu parles de notre religion ? Pourquoi tu ne parles pas de ta religion ?» Ils ne comprennent pas que c'est notre prophète. Isa, alayhi salam, Jésus, c'est notre prophète. Hein? Et qu'est-ce qu'il a enseigné ? Ça fait partie de notre religion, de l'islam. Parce que Jésus, Isa, alayhi salam, c'est un des prophètes de l'islam. C'est pas un prophète qui a enseigné une religion différente pour nous. Non, c'est un musulman, un musulman. Il a appelé au tawhid et à l'islam. Donc c'est un des prophètes pour nous. On croit en lui plus que les chrétiens. Mais on ne tombe pas dans l'extrémisme et l'exagération dans lequel ils sont tombés pour en faire de lui un dieu ou une divinité ou un fils de Dieu ou une trinité. Hein? On croit en lui comme étant un messager. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on reviendra à la suite de ça, Inch'Allah, expliquer le reste du hadith au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.